Ah ouais, mais je comprends pas. Je vais essayer sur un autre serveur, je reviens. là, c'est fini. C'est carré, là. mais je comprends pas cette séquence. Là, elle est à 120 sur 120 et 80. Pourquoi? Donc, si on divise, alors 65. Ouais, mais moi sur Reaper, je te promets, je te fais une photo, il y a marqué 120. 60. Non, on va essayer 60. C'est vraiment bizarre cette séquence. Il n'y a que ce morceau que ça fait ça. Ouais, c'est, ça doit être ça. Ouais. Alors. Donc là, on était à combien là tout à l'heure? Essaye 60. Oh non, ça va pas assez vite là. Thank you.